Cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انتهينا في الدرس السابق من المرتبة الأولى وهي الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله إلى سيتي شيخ الإسلام هنا un dalil pour chaque rukn. Walillahi alhamd, vous avez appris et vous avez récité al-matn. C'est ça al-muhim huna. C'est de connaître al-matn par cœur et de comprendre bi-ikhtisar, en résumé, kalam Cheikh al-Islam et surtout al-adilla qu'il a cité. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, son sharh il est tayyib min hadhihi al-nahiya annahu il est mukhtasar. Fanaqra المرتبة الثانية قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث الحديث إلى نوت رواية وهي أصح في صحيح البخاري ستون لفظة ستون لأصح. Donc, al-iman bid'un, ou al-bid'a, c'est min thalat ila ashra, comme yakouloun, ou doun al-ashra, et ça peut être 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Fa'a'laha qawlu la ilaha ilallah. A'la hadhihi al-shu'ab. Al-shu'ab, c'est les branches. C'est la ilaha ilallah. Wa adnaha imatatu al-adha ani al-tariq, wa al-haya'u shu'batun min al-iman. وأركانه ستة أي أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر خلاصة طيبة في الإيمان. Ça montre que l'iman يزيد وينقص. أن الإيمان يدزغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et ce hadith c'est un rod à la al-murji'ah qui disent ou qui prétendent que l'iman il monte pas et il descend pas. Pour eux l'iman c'est un bloc, c'est une chose, tu l'as ou tu l'as pas. Amma عند أهل السنة لا الإيمان يزيد وينقص. Et il y a des choses que tu feras, ça fait partie de l'iman, et peut-être que l'insan il délaissera des choses qui font partie de l'iman, lakin ça fait pas de lui un kafir qui n'a pas du tout l'iman. لا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et il a cité une ayah qui regroupe les piliers de la foi de l'iman. Et il a rajouté une ayah pour montrer un dalil sur al-qadr qui est pas cité dans le verset ليس البر أن تولوا وجوهكم. نقرأ كلام شيخ ابن باز. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين. On a déjà expliqué أن الإيمان si الإيمان il est cité dans un texte avec l'islam فالمراد بالإسلام c'est الأعمال الظاهرة كالشهادة والصلاة والصيام les 5 piliers والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة أي ما يتعلق بالقلوب. Quand ils sont cités les deux. أما quand Allah سبحانه وتعالى cite l'iman فقط dans un texte sans citer l'islam, فالإيمان ça englobe tout. Ça englobe l'islam et l'iman. Et quand Allah سبحانه وتعالى cite l'islam فقط, كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة, فالإسلام ça englobe tout. لأن المسلم لابد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. Ça c'est مهم. Et ça c'est une règle en langue arabe. Il y a des noms, s'ils sont cités ensemble, chaque nom il a une معنى مثل الإسلام والإيمان كذلك يذكرون البر والتقوى et plusieurs mots هكذا s'ils sont cités les deux chacun des deux il a un sens si ce mot il est cité seul il englobe l'autre هكذا هنا الإسلام والإيمان et on l'a expliqué هذا en détail dans plusieurs دروس قال وأنه رب العالمين فأول أركان الإيمان c'est الإيمان بالله تعتقد أنه الرب عز وجل أنه الخالق tout ce qui est lié avec توحيد الربوبية وتؤمن كذلك أنه المستحق للعبادة فلهذا قال الشيخ بن باز وأنه هو المستحق للعبادة c'est ça الإيمان بالله الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه dans plusieurs de ses livres il démontre أن الإيمان بالله ça se divise en quatre الإيمان بوجود الله هذا أولا الإيمان بوجود الله أن الله سبحانه وتعالى يكزيست أولا ثانيا الإيمان بربوبية الله أي أن الله c'est le رب أي celui qui crée celui qui donne celui qui guide celui qui a créé toutes choses الربوبية ثالثا الإيمان بالألوهية أي بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui mérite l'adoration رابعا الإيمان بأسماء الله وبصفاته أي الله سبحانه وتعالى il a des noms et des صفات on est obligé de croire en ses noms et ses صفات c'est ça الإيمان بالله عز وجل قال والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار نعم تساسا انغلوب قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر c'est tout ce qui vient après la mort ça englobe le قبر ça englobe tout ce qui est lié avec يوم القيامة ça englobe le جنة النار المؤمن il croit en tout ça Toutes ces choses qui sont min umur al-ghayb, yu'minu biha. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves sur ces choses. قال وبالقدر خيره وشره. نعم. Donc, c'est ça. Arkanu al-iman. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dans son sharh, il a un kalam jamil, avec, il a détaillé akthar. قال Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, al-iman billah yatadhamman arba'ata umur. C'est ce qu'on vient de citer. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique quatre choses. Et ça montre que بعض الناس, ils ont une définition de l'iman billah, elle n'est pas sawab. L'iman billah, لابد que tu crois en quatre choses. أولاً, l'iman بوجود الله. Et ça c'est واضح. هذا الأصل, personne ne le renie. حتى Iblis, il reconnaissait, il croyait en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا معروف. Iblis, il n'a pas rejeté cette croyance-là. Iblis, il s'est égaré, il n'a pas voulu adorer. Amma hadi, al-asl, c'est que tout le monde reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'd al-mulhidin. Et hadi, elle ne fait pas entrer dans l'islam, ça ne suffit pas. Lakin la budda minha. Et alhamdulillah, chaque musulman, chaque mu'min, bien sûr, s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il croit en l'existence d'Allah azza wa jal. Thaniyan, al-iman bi-rububiyatihi azza wa jal. أي أن الله سبحانه وتعالى قال جمع العتيمين بأنه وحده الرب لا شريك له donc on a la conviction أن الله c'est le رب قال والرب من له الخلق والملك والأمر الرب c'est celui qui a الخلق أي c'est lui le créateur والملك il possède toutes choses والأمر il gère tout donc نحن on a cette عقيدة في الله عز وجل ألا له الخلق والأمر وفي الآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ça, ça montre أن celui qui mérite l'adoration c'est le رب et c'est qui le رب c'est celui qui a le ملك فلهذا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى démontre أن ceux qui font du shirk ils adorent autre qu'Allah que ce soit une statue que ce soit un mort que ce soit une tombe قال والذين تدعون من دونه ما يملكون Et ce que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikun, il possède rien. Ça montre que Allah il possède tout. C'est pour ça qu'il mérite l'adoration. Troisième catégorie, al-iman bi uluhiyatihi. Ay an Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est mawjoud subhanahu, c'est le hayy, c'est le qayyum, c'est le rab, ay t'as la conviction que c'est lui qui a tout créé, C'est lui qui guide qui il veut, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui gère tout. Troisièmement, tu dois l'adorer. Et c'est ça l'iman. Ça montre que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il fait du shirk, billahi azza wa jal, shirk al-akbar, هذا c'est pas un mu'min. Même s'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. قال شيخ ابن عثيمين أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. نعم. Et c'est ça التوحيد. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. Tu vois le lien entre أركان الإيمان et أركان الإسلام. خاصة le premier ركن الشهادة. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Tous ces versets تقدموا معنا. كذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. Tout ça, ça montre أن المستحق للعبادة c'est Allah سبحانه وتعالى. Et il a cité, Cheikh Ibn Uthaymeen, plusieurs ayats pour démontrer en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-mustahiq lil-ibadah. Il a cité comme verset كذلك, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ. Ça montre en Rabb, celui qui a le mulk, c'est lui qui mérite l'adoration. Et on est tous d'accord que celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée, le créateur, Ar-Rabb, c'est Allah. Donc, on doit être tous d'accord que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala seul. كذلك قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Est-ce qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui crée rien? Belle, cette chose, elle est créée elle-même. فهذا واضح, on l'a expliqué plusieurs fois. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, كذلك, il explique que les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient هذا التوحيد, هذا الإيمان, أي أن الله c'est le Rabb. Lakin, ils ne l'ont pas adoré, subhanahu wa ta'ala. Ils ont eu un problème dans la troisième catégorie, l'Iman ou bil-Uluhiyya. Et c'est ça l'explication de Shahada. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu dire Shahada, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans l'Islam. Quatrième point, أي في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته أي أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال شيخ ابن عثيمين إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه. Chaque nom, chaque attribut qui est cité في القرآن on y croit. أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك chaque nom, chaque attribut que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité. Bien sûr, si on dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité, c'est que le hadith il est صحيح. Donc on y croit. هذا, c'est ça les quatre points que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité في الإيمان بالله عز وجل. فالمسلم doit حقق ces points. Mais le premier et le deuxième, الإيمان بوجود الله وبالربوبية, l'asl c'est que tout le monde reconnaît هذا. Le musulman doit faire des efforts. Le troisième point, الإيمان بالألوهية, et il doit étudier التوحيد. Et c'est ce qu'on fait ولله الحمد dans cette risale. كذلك, il doit étudier et apprendre. Le quatrième point, l'iman bil asma illahi wa sifatihi, et tout ça c'est les cours walillahi alhamd qu'on a déjà fait avec certains de nos frères fi al-aqida fi al-asma wa sifat. Et parmi les meilleurs livres pour apprendre, pour approfondir le troisième point, l'iman bil uluhiyya, kitab at-tawhid li shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, c'est une des références fil bab. Et pour apprendre le quatrième point, kitab al-wasitiyya لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كذلك القاعدة المثلى لشيخ ابن عثيمين يا خير عظيم dans ces deux livres فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات surtout pour le débutant. ثم التوسع dans des autres livres كشرح الطحاوية لابن أبي العز والتدمورية والحموية et tous les livres de شيخ الإسلام ils sont طيب في هذا الباب. فنعم هذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. أما الإيمان بالملائكة كذلك شيخ ابن عثيمين لا démontré يتضمن أربعة أمور quatre choses. كذلك tout ça إن شاء الله vous le recopiez du شرح de شيخ ابن عثيمين. قال أولا الإيمان بوجودهم. On croit l'existence de الملائكة, pas comme ils font certains ملحد. Annahu, ils disent que le malaïka c'est mujarrad, c'est le bien. En fait, il n'y a pas n'y a pas un être qui existe, qui s'appelle Malak, avec des ailes, avec, comme nous, on a l'iman. Là, هم عندهم c'est مجرد le bien. وهذا c'est من الضلال. بل نؤمن بوجود الملائكة. Deuxième point, الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. On croit au Malak qui a été nommé. مثلا جبريل. On sait que نحن il y a des millions de ملائكة. كما جاء في بعض الحديث أن في السماء il n'y a pas un endroit où il y a un ملك ساجد. Ça, نؤمن أن الملائكة ils sont kathir. Lakin ceux qui ont été nommés, on croit en eux. Aïe, on croit qu'il y a un malak qui s'appelle Jibril. Qala, al-thalith, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kadhalik, on a la conviction que ces malaika, mitle Jibril, matalam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu. Qala, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ra'a ala sifatihim, allati khuliqa alayha wa lahu 600 janah. Qad sadda al-ufuq. 600 ailes et il a couvert le ciel, l'horizon. Alayhi salam. Nu'min bihada. Al-rabi' al-iman bima alimna min a'malihim. Kadhalik, on a la conviction, la foi que ces malaïka, ils ont des missions. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné des choses à faire. Il y a un malak qui s'occupe l'ange de la mort, malak al-maut, il s'occupe de reprendre les âmes. Jibril, il s'occupe de la révélation. Il y a un malak qui s'occupe de la pluie, etc. Fa nu'min bihada si on a un dalil qui montre cette chose. Wa illa si on n'a pas de adilla, nu'min bil malaika iman mujmalan. On croit qu'il y a des malaika et Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés et Allah il les aime. Hada ma yata'allaq bi al malaika. Kadhalik, il a cité les fruits. Il a cité les fruits de ce iman. قال اولا العلم بعظمه الله ce iman bil malaika qui est divisé en quatre, on les a cités, ça va impliquer des choses, ça va faire monter ton iman. Il y a une thamara azima parmi ces fruits que tu vas profiter anta, c'est que tu vas connaître azamat Allah akthar, lian si Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Jibril et Jibril sadda al ufuq, il a 600 ailes, il a couvert le ciel, l'horizon. Ça montre que le Khaliq, il est Azam. Si la créature, elle a cette force et cette grandeur, que dire du Khaliq? Allah subhanahu wa ta'ala, il est Akbar. كذلك من الثمرة شكر الله عز وجل على عنايته ببني آدم. كذلك نشكر الله سبحانه وتعالى أنه وكل إلينا الملائكة حفظة الملائكة qui s'occupe de بني آدم. نعم فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الثالثة قال محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله. كذلك نؤمن أن أو نحب هؤلاء الملائكة لأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى. Ça c'est certains fruits qu'il a cité par rapport à l'iman بالملائكة. الإيمان بالكتب. كذلك quatre choses. On doit croire, bien sûr, au livre que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. Et bien, anna hadhihi al-kutub, c'est haq. Amma al-ziyada allati hasala fiha, ay certains mujrim, ils ont falsifié ces livres. Fa nahnu nu'min anna le livre que Allah il a fait descendre, c'est haq. Amma al-batil, c'est batil. Quatre points, qala, awwalan al-iman bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. On croit, on a la conviction que ces livres, c'est min kalam Allah azza wa jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a révélés. Al-thani al-iman bima alimna ismahu minha. Il y a des livres on ne connaît pas le nom. Il y a des livres on connaît. Mitl al-Qur'an. Il a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mitl al-Tawra. Ce livre il a été révélé à Moussa alayhi salatu wa sallam. Wa hakada. Al-thalith tasdiq ma sahha min akhbariha. كذلك toutes les informations, les akhbar qui sont citées dans le Coran ou dans هذه الكتب فنصدقها. Tant que c'est dans le livre. كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. أما القرآن فبالتفصيل لأن القرآن il est موجود. Et on peut le lire, on le lit et toutes les informations elles sont haq. أما الكتب السابقة on ne sait pas نحن. ربما on a pas lu ce livre, on n'a pas connu ce livre, لكن بالإجمال on sait que ce que Allah il a révélé c'est حق. أما les falsifications الآن c'est من ظلم البشر. Quatrièmement العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. Ce iman, il doit te pousser à appliquer, vu que c'est haq, on doit appliquer les ahkam de notre livre, le Coran. Le Coran, il a abrogé tous les livres qui étaient avant le Coran. Ce iman, ça va impliquer, ça va faire monter ton iman et tu vas retirer des fruits, des profits. La première chose, al-ilmu bi'inayatillahi bi'ibadih. Ça va te faire monter ton iman et ton amour billahi azza wa jal. Léana, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien aux ibad. C'est pour ça qu'il leur a envoyé ce rasoul avec ce livre. Thaniyan, al-ilmu bi-hikmatillahi ta'ala. Fi shar'ihi haythu shar'a. Li kulli qawma yunasib ahwalahum. Naam. Chaque messager avec un livre. Et ce livre, il abroge le précédent. Des choses qui étaient interdites, elles deviennent halal. Ou l'axe. Tout ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Sifatul hikma. Et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Ya'lam, c'est quoi le munasib pour chaque peuple. Donc, la législation sharia de ce peuple, c'est par rapport à ce livre. Al-iman bil-rusul, 4 points, كذلك. Al-iman bi-anna risalatahum haq. Premier point important, c'est que leur risala, c'est haq. Risalat Nabi Muhammad sallam, c'est haq. La risala de Moussa, haq. Risala de Isa, c'est haq. Chaque rasoul plutôt, il est venu avec le haq. Deuxième point, al-iman biman alimna ismahu minhum. Amma, certains, on connaît leur nom. Ils ont été cités dans le Coran ou dans le Sunna. Bien sûr, notre prophète Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, et tous les rusul ou l'anbiya qui ont été nommés. Et ceux qui n'ont pas été nommés, فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى بعث لكل أمة نبيا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا, troisième point, تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. نعم. أي, on croit en la véracité de leur message. رابعا, العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. نعم, on applique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu bi tawhid et nous mettre en garde contre shirk, on doit appliquer cette chose. Wa illa, elle est où l'utilité de cette croyance? La bout, on applique. Et ce iman kadalik des thamarat azima, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, la première, al-ilm bi rahmatillah, comme avec le kutub. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour l'ibad. C'est pour ça qu'il a envoyé son rasoul pour te montrer. Anta law, une personne, elle te montre quelque chose de Rubama qui n'a pas une grande importance. Rubama, une personne, elle te montre la route. T'es perdu et tu demandes la route et il te montre la route. Et il t'explique comme il faut. Et la cause de cette explication, tu trouves ton chemin, tu ne perds pas de temps et alhamdulillah, t'arrives à ton but. Tu vas aimer cette personne. Tu vas aimer cette personne, tu vas l'estimer, etc. Belle. Nous, on l'aime si c'est un mu'min, bien sûr. Ils sont partis vers Bilal al-Kufr. Et tellement que le kuffar, ils aiment bien rendre service, ils montrent la route, etc. Ils ont eu de l'estime pour le kuffar. Ou de l'amour pour le kuffar. Ils disent, regarde comme ils sont organisés. Regarde, ils montrent la route, ils respectent, ils parlent gentiment. Tout ça, si c'est vrai, on ne le nie pas. Lakin, ça ne veut pas dire qu'on les aime, là. Un adou, c'est un adou. Il fait partie de Hizb al-Shaytan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les déteste, annahum ma amanu billah wa rusulihi wa kutubi. Tous ces points qu'on cite. Ça ne veut pas dire que cette chose, c'est tout, on va l'aimer. Lakin, ta'ammal, anna cette chose, il a montré la route. Rubama, tu as une estime. Et si c'est un mu'min, tu l'aimes fillah. Et tu l'aimes encore plus si il t'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé ce rasoul pour te montrer at-tariq ila al-jannah. Et ta facilité, chaque hasana, c'est multiplié par 10. Et ça peut être multiplié encore plus. Si tu as fait une faute, elle est comptée une faute. Et il peut te la pardonner. Si tu fais tawbah, il te pardonne. Tout ça, normalement, ça doit augmenter notre iman et notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin akhtar al-nas la ya'qiloun. Ba'd al-nas, toutes ces ni'am, tous ces bienfaits, ils oublient, ghafla. Deuxième point, shukr. Hadihi ni'ma. Bien sûr, si tu la reconnais, tashkur Allah azza wa jal. Et shukr, c'est bil lisan, c'est bil qalb, et c'est bil amal. C'est avec la langue, avec le cœur et avec les yeux. Troisièmement, mahabbat al-rusul, tu les aimes. Et tu détestes ceux qui les détestent. Et tu détestes ceux qui se moquent d'eux. Et des autres fruits par rapport à ce iman. Al-iman bil yawm al-akhir, ça implique trois choses. Awwalan al-iman bil ba'th. Premièrement, l'iman bil ba'th, wa huwa ihya'ul mawta. Awwalan, on a cette conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter les morts. كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعد من الله والله لا يخلف الميعاد أنه الله سبحانه وتعالى va ressusciter العباد comme il les a créés la première fois. La première fois il les a créés de rien et كذلك il va les ressusciter. عز وجل. Deuxième point, l'iman بالحساب والجزاء. Tout ce qui est lié au compte, le hisab. Tout ça, nu'min. An al-ibad, ils rendront des comptes. Et tout ça, wallahi alhamd, c'est détaillé fi kutub al-aqida. Troisièmement, al-iman bil jannati wan nar. La demeure, le refuge. Et pour rapport au compte, fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Wa nu'min kadhalik an si un mu'min rentre fil nar, à cause de ses péchés, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il peut pardonner. Et si châtie ce adla, qu'il est un mu'min, un muslim, un mu'hid, il sortira min al-nar. Yawman min al-dahr, kama ja'a fi ahadith al-shafa'a. Et ils sont nombreux. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a nabah, kadhalik, tout ce qui vient après la mort, min adab al-qabr, ou na'im al-qabr, ou fitnat al-qabr, tout ça, ça rentre fil yawm al-akhir. Lianna man mata, qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, sa qiyama qamat. Naam, ça commence pour lui, cette nouvelle étape, al-akhira. Ce iman, il a des fruits, samarat, azim. Al-oula, al-raghbatu fi fi'l al-ta'ad. Awulan, ça va te motiver, liana, tu sais que tu dois rendre des comptes. Et ça va te motiver, liana, si tu fais le bien, inshallah, tu seras rétribué, récompensé par le bien. Thanyan, الرهبتو عند فعل المعصية. Deuxièmement, tu vas avoir peur des ma'asi. Léna, tu sais qu'il y a des comptes. Si tu fais du chal, fatih ala khatar. Troisièmement, تسليت المؤمن عما يفوته من الدنيا. Et ça, c'est ثمرة عظيمة. Léna, tout ce que tu n'arrives pas à avoir في الدنيا, خاصةً si tu fais des concessions pour ton din, tu délaisses le haram, tu délaisses الشهوات المحرمة. Tu sais que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplace de meilleur. Wa dunya, sijnul mu'min, jannatul kafir. Et tu sais que dar al-qarar et al-fawz al-azim, c'est al-jannah. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Donc, tout ce qui t'arrive fi dunya comme épreuve, comme maladie, comme dhiq, tu te prives, si tu as ce iman qawi bil yawm al-akhir, ça te motive encore plus que cette privation là, inshallah, si tu meurs à la tawhid et à la sunnah, tu seras à la khayr. Yawm al-qiyamah fi al-jannah, c'est dar al-khuld, dar al-na'im. Thumma, il a cité al-iman bil-qadr. Hada taqaddam ma'ana dans notre dars de al-lum'a, que ça implique كذلك quatre choses. Al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alima كل شيء ويعلم كل شيء جملة وتفصيلا. الله يسيت. Deuxièmement, الإيمان بأن جميع بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الله يسيت tout et il a tout écrit سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. Ça c'est la deuxième مرتبة. La troisième, الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله. Tout ce qui se passe في هذا الكون, الله سبحانه وتعالى il l'a voulu et il a une hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Quatrième point, al-iman bi anna jami' al-ka'inat makhlouq. Tout ce qui est dans hadha al-kawn, Allah il l'a créé. Fa Allah c'est le khaliq, et toutes les autres choses c'est des makhlouqat. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Donc, quatre points pour al-iman bi al-qadar. Et ce iman bi al-qadar, il a des thamarat azima. On les avait lus marra ma'al ikhwan. Dans une kalima, la parole de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dans son Jami' Sahih fil Qadr, il a cité al-Thamara. Cheikh Ibn Uthaymeen, il en a cité quelques-unes هنا. Al-Oula al-I'timad ala Allah. Naam, tu vas placer ta confiance en Allah, liana, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout décrété. Ce qui t'a écrit, ça arrivera. Ce qui t'a pas écrit, ça t'arrivera pas. Fala tut'ib nafsak, avec les remords, avec le désespoir. Fais les causes. et place ta confiance en Allah. Deuxième point, Allah yu'jab al-mar bi nafsihi 'inda husul muradihi kadhalik. Je t'écarte de al-'ujb wa al-ghurur wa al-kibr. Tout ce que tu as, c'est Allah qui l'a décrété. C'est pas par ta force, ton intelligence. Là, Allah il t'a guidé, les annahu il te veut le khair et c'est arhamur rahimin. Al-thalitha at-tuma'nina wa ar-raha an-nafsiyya, et ça c'est muhim. Tu vas être apaisé, reposé si tu as ce iman bil qadr. Ce que tu n'as pas, tu sais qu'Allah il l'a qadr. Et c'est une hikmah. Il a qadr que tu n'auras pas cette chose. Ce que tu as, c'est Allah qui l'a qadr. Une catastrophe, elle te touche, pauvreté, maladie ou autre, Allah il l'a qadr. Donc tu patientes. C'est pour ça que tu trouves les personnes qui patientent le plus, c'est le mu'minoun. Et plus le mu'min, son iman il est qawi, plus il patientera. Et il a cité des autres fawa'id, lakin naktafi bihada. Hada ma yata'allaq bi al-iman. Et في الحقيقة le كلام de Cheikh Al-Uthaymeen dans son charh, il est nafi' jiddan. Charh arkan al-iman al-sit dans l'usul al-thalat, il est nafi' jiddan pour talib al-ilm. فلهذا on l'a résumé هنا. قال Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, كل هذا يتعلق بالقلوب, اي ces six piliers. فهو اصل من الاصول التي لا بد منها, فاسلام فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. Ça te montre pourquoi le munafiq c'est un kafir. Le munafiq il fait apparaître l'islam. C'est pour ça il prononce shahada, il fait le salat, il fait le siyam, il fait le hajj. Mais au fond de lui il ne croit pas, c'est un kafir. Au fond de lui c'est le kufr. C'est pour ça qu'obligé d'avoir l'islam et l'iman. كذلك الإيمان الإسلام. واحد مثلا يدي نعم au fond de moi je suis un croyant, لكن il prononce pas shahada, il fait pas salat, il fait pas siyam, il fait pas le hajj, il donne pas zaka. Hada min ayn lahu annahu c'est un mu'min. Là t'es obligé d'avoir les deux, l'apparent et le caché. Fait l'islam c'est lié, contrairement à ce que certains d'Allah les essayent de faire croire. Min a'da illa anna ad-din c'est dans le cœur. Al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Nahnu la al-iman pour al-muslim, c'est une parole, c'est une croyance, et كذلك c'est des œuvres. C'est ça l'iman, c'est ça l'islam. قال شيخ بن باز فلا بد من هذا وهذا, لا بد من اسلام الجوارح ولا بد من اسلام القلوب وايمانها, ولهذا جمع الله بين الامرين في كتابه العظيم, وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. C'est pour ça que tu trouves souvent les deux, ils sont liés. قال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل. Ils sont souvent cités ensemble. قال فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته, والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. نعم, ça, ceci sont cités les deux. S'ils sont cités les deux, l'islam c'est pour les œuvres apparentes, l'iman c'est pour les œuvres cachées. Si الإيمان إلي سيتي سل سانغلوب الإسلام, سي الإسلام إلي سيتي سل سانغلوب الإيمان, وهذا لعله سي كومبخي. قال ويطلق الإسلام على الإيمان, ويطلق الإيمان على الإسلام. إسكو فيان سيتي أي سانغلوب الإيمان سانغلوب الإسلام, الإسلام سانغلوب الإيمان سي سون سيتي أبا. فإذا قيل الإيمان عم الجميع أي سانغلوب تو, وإذا قيل الإسلام عم الجميع. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. On va pas dire l'islam c'est que les cinq piliers. Ça fait pas, on peut pas faire rentrer les six piliers de la foi. لا, الإسلام الآن سانغلوب تو تو الدين. قال فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر, وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان, et il a cité الشهاده. الشهاده ça fait partie de arkan al-islam. Vous avez compris que le Nabi sallam l'iman il a fait rentrer l'islam. Donc l'islam ça englobe l'iman, والايمان ça englobe l'islam. قال وهكذا الايمان اذا اطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. فالايمان هنا يعم الجميع. الامام البيهقي رحمه الله عليه il a écrit un livre. Il l'a basé sur ce hadith. Le livre il s'appelle Shu'abul Iman. Il est imprimé en plusieurs volumes. شعب الإيمان et il explique les branches de la foi. Il commence par الشهادة أن لا إله إلا الله كذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج. Dans l'Iman, ils ont fait rentrer أركان الإسلام. قال فالإيمان هنا يعم الجميع فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة كما أنه يشمل الإحسان. نعم. Quand l'Iman il est cité seul, ça implique quand l'Iman il est cité seul, ça implique, ça englobe l'Islam ou l'Ihsan. Quand l'Iman il est cité seul, كذلك. Lakin quand ils sont cités les trois, Islam ou Iman ou Ihsan, l'Islam c'est les œuvres apparentes, l'Iman c'est arkan l'Iman sit, la croyance, et l'Ihsan, نعم, l'Ihsan c'est court, فنقرأ الآن. قال شيخ الإسلام المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد الإحسان un pilier وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك c'est ça l'Ihsan t'adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si il te voyait ou comme si tu le voyais si tu le vois pas فالله subhanahu wa ta'ala il te voit. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أي الله te voit. فالإحسان c'est tu l'adores comme si tu le voyais parce que Allah te voit. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي الله سبحانه وتعالى للشاهد على ما تفعل il te voit, il t'entend et il sait avant de t'avoir créé ce que t'allais faire عز وجل et il te reste plus qu'à te soumettre t'es مراقب t'es surveillé à chaque instant ce que tu fais بل الله سبحانه وتعالى il a chargé deux anges, un à ta droite et un à ta gauche, ils écrivent tout. Ils te voient, ils t'entendent, et des malaïka, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui notent tout. Fi kitab. Yawm al-qiyama, ce kitab, il sera lu. Kadhalik yawm al-qiyama, tes membres, ils témoignent. Ta peau, ta main, tes pieds, ils témoignent. T'as fait telle chose et telle chose. Fait un muraqab. Dans ce cas-là, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te cacher, il reste plus que la soumission, et c'est pour ton bien, ayyuha al-abd. فأدر الله سبحانه وتعالى كم si tu le voyais. الإحسان الآن c'est une درجة عالية جدا. الإيمان comme on a dit يزيد وينقص. فالمؤمن fait des efforts, fait des efforts حتى il atteint ce niveau, le niveau des محسنين. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. فالحديث c'est حديث عمر. Celui qui a rapporté c'est عمر. لكن il appelle حديث جبريل لأن c'est l'histoire de Jibril quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba, il leur a posé les questions. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. Cet homme personne connaît. Il a une apparence غريبه. Pourquoi? Parce qu'il est venu. C'est un voyageur, il est venu de loin, et il a les cheveux noirs, et il a ce vêtement blanc. Alors que le voyageur, normalement, il n'a pas cette apparence, surtout à leur époque. À leur époque, c'était des voyages, c'était dans des déserts, il y a la poussière, il y a beaucoup de choses, tu voyais l'apparence du voyageur. Enfin, eux, ils ont été étonnés, cet homme-là. Des habits blancs, les cheveux foncés, il n'a pas l'apparence du voyage, personne ne le connaît. D'où il vient? قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنت ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفي على فخذيه. Ce hadith الآن il y a des مسائل عظيمة pour طالب العلم. Et le comportement qu'il doit avoir, il s'assoit, il a une apparence jamila. Tout ça, les ulama ils l'ont retiré de ce hadith, le comportement de Jibril avec le Nabi عليه الصلاة والسلام. قال ووضع كفي على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il connaît le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande sur l'islam. Tout ça, l'an, les sahaba, ils ont été étonnés. فَقَالَ أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا il manque l'alif رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاءِ وَتَصُومَ رَمَضَانِ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ نِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ça, c'est dalil. Les cinq clés de l'islam, on l'a vu, nous, كذلك, من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. Tout ça taqaddam, walillahi alhamd. Qala sadaqta. Al-an, il pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il confirme. Sahaba ta'ajjabu. Il pose une question et il dit sadaq. Tu as raison, c'est le haq. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Naam, ils ont été étonnés. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره للسيبلي دي لا فوا قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك c'est la troisième مرتبة qu'on est en train de lire الآن قال أخبرني عن الساعة il demande الساعة أي c'est quand la fin du monde أي les signes قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il a demandé plutôt, on a dit les signes là, il a demandé l'un de ses camps. Le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui qui va répondre, il n'a pas plus de ilm sur cette chose que celui qui demande. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il ne sait pas, comme celui qui demande, il ne sait pas. لأن علم الساعة c'est من علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها. Il demande un des signes. On connaît, tu connais pas l'heure précisément c'est quand, mais est-ce qu'elle a des signes? قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أي cette concurrence dans les constructions. Et c'est ce que tu vois là. يتطاولون في البنيان. أي il y a une concurrence dans l'élévation des constructions. Et tu le vois. Chaque fois, un dans les informations, tel pays, ils ont fait le plus grand building, le plus grand gratte-ciel, le plus grand bâtiment. Il y a tatawaloun fil bunyan. Il y a cette concurrence dans l'élévation des constructions. Et c'est ce qu'on voit là. Et bien sûr, des autres alamates qu'on a vu dans Kutub al-i'tiqad. Qala famadha falabitna maliyan. Cet homme, il est parti. Et الصحابه عمر رضي الله عنه يقول انه نغستي ان طون فقال يا عمر اتدرون من السائل le prophète صلى الله عليه وسلم il a su qu'ils étaient étonnés cet homme qui vient et qui confirme ces choses c'est un voyageur lakin il a pas les traces du voyage قال عمر قلنا الله ورسوله اعلم ça montre le adab quand tu sais pas une chose tu dis الله اعلم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. C'est Jibril, il est venu pour vous apprendre votre din. C'est un délil, ça montre que ces trois choses c'est din. الإسلام والإيمان والإحسان. هذا ما يتعلق بهذا الأصل العظيم. نقرأ كلام شيخ بن باز. أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا وهو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. C'est une martaba alia, c'est un haut niveau. Hein. Ce haut niveau, tu fais, pour l'atteindre, tu fais des efforts, fais l'ikhlas. La sincérité, tu fais des efforts, fais l'ilm. Tu ne désespères jamais. Et bien sûr, ad-du'a. Tu persistes, tu patientes. Et al-mu'min, avec les efforts, avec l'ilm, la sincérité et la régularité et patient, inshallah, fadlallah, il est wasi'. فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان. Ce ihsan, il ne peut pas se rassembler avec l'insouciance. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une coutume. Là, al-muhsin, il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours dans son cœur, il a un Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raqib. Il t'est muraqab, t'es surveillé, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, tout est noté. Là, chaque la ibada de ce abd, qu'a ce ihtisab et cette niya, cette conviction, ça ne sera pas comme l'adoration d'un insouciant. C'est comme si c'est devenu coutume ce qu'il fait. قال واجتمع له الخير كله كما قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est مع هؤلاء ينصرهم ويحفظهم il les protège, il les secourt هؤلاء المتقين المحسنين. وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك من أسباب الرحمة الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء والآيات في هذه المعنى في هذا المعنى كثيرة انتهى كلام شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بهذا ونفني ولله الحمد سو أصل باختصار لكن كلام شيخ عبد العزيز بن باز إلى نافع avec les rajouts qu'on a fait du شرح de Cheikh Ibn Uthaymeen خاصة في أركان الإيمان Inch'Allah, narju anna, c'est profitable. On a sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa al-tawfiq. Hayyakum Allah, subhanak, l'homme, hamdik, shahadu, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.